en faut pas gros. Alors voilà, pour notre ami Mario, l'initiation solaire, c'est de lire un papier. Pour le Nazaréen, ben, il fallait qu'il se rende compte qu'il n'était pas humain. Il fallait qu'il, après ça, se fasse baptiser par Jean le Baptiste. Il fallait qu'il meure sur une croix, il fallait qu'il ressuscite. Et chacun son niveau d'évolution. Bon. Voilà, donc, l'initiation solaire. Il y a un de mes amis ici à l'entrée qui me disait, vas-tu nous parler de l'initiation sol-air, comme l'hémicycle? Effectivement. Solaire. C'est bien. L'évolution de l'animal qui marche sur le sol, l'évolution de la tête et de l'animal qui marche dans les airs. Solaire, c'est intéressant. Bon. Ben après l'effort qui est fait pour trouver ça, il fallait au moins que j'y réponde. Bon, premièrement, très brièvement, l'initiation, c'est en rapport avec le feu, initiation. Et cela veut dire que l'être humain, dans un phénomène d'initiation, devient un initié. Un initié du point de vue ésotérique ou du point de vue théologique, c'est un être humain qui a survécu à une transformation qui lui permet de devenir quelque chose qui n'est pas inhérent à sa race. Donc, une initiation est nécessairement une mutation. Si un cheval est initié, c'est que le cheval peut conduire une automobile. Alors ça, les autres chevaux ne peuvent pas. Si l'humain devient initié, nécessairement, il est capable de faire des choses que le reste de sa race ne peuvent pas faire. C'est l'initiation. Alors, il y a différentes formes d'initiation. Il y a évidemment l'initiation des chevaliers de Colomb. Il y a l'initiation de différentes écoles ésotériques, différentes écoles traditionnelles. Il y a l'initiation simplement de la vie, qui mute lentement l'individu, mais on ne peut pas appeler ça des initiations majeures, c'est-à-dire que ce ne sont pas des initiations où l'être humain est confronté à réussir ou à disparaître. Ça, c'est une initiation. Là, au moins, on parle d'initiation. Vous l'essayez. Si vous manquez votre coup, c'est facile, vous êtes plus vivant. Et si vous réussissez, ben c'est facile, vous êtes vivant. Bon. Il y a deux formes majeures d'initiation. Une qui est lunaire. Une initiation qui est obscurcie. Une initiation qui compte des menteries. Mais qui s'adresse à des gens pour qui la menterie est une vérité. Et il y a l'initiation solaire qui ne compte pas de menteries, mais qui s'adresse aux gens pour qui l'initiation lunaire devient un mensonge. Alors, il y a l'initiation lunaire, qui est exactement comme lorsqu'un individu conduit son automobile en direction du soleil. Si ses yeux ne sont pas prêts à supporter l'énergie du soleil, il met des verres fumés. Alors, avec ces verres fumés, il obscurcit sa vision, initiation lunaire, mais par contre, il voit plus clair. Et là, il peut continuer son chemin sans risquer d'accident. L'initiation solaire est trop puissante pour lui, il ne pourrait pas la supporter, alors il se cache. Lorsqu'il va au soleil, il prend du soleil, mais il doit mettre une crème qui cache le soleil, ou qui cache la peau du soleil, une crème de bronzage, une crème qui va lentement permettre au corps physique de s'adapter. Et après un certain laps de temps, le corps aura lui-même sa couche protectrice, et le soleil donc ne traversera toujours pas plus, mais la peau sera brunie, elle aura sécrété, elle aura muté quelque peu et elle pourra protéger le reste du corps de cette force solaire. On n'a jamais entendu parler d'un coup de lune, d'un coup de soleil, oui. L'initiation lunaire n'est pas tellement dangereuse. Par contre, l'initiation lunaire, elle a un problème. Essayer de griller sous la lumière réfléchie de la lune, ça se fait. Ça va prendre quelques millions d'années. Par contre, l'initiation solaire a aussi un problème. On risque de brûler vif et d'en mourir. Alors voilà, il y a deux initiations au niveau de la conscience humaine. Une initiation dite lunaire, qui prend effectivement des millions, sinon des milliards d'années, à engendrer un phénomène humain mutatif suffisamment solide pour être capable de résister au plein feu du soleil, c'est-à-dire de la conscience non colorée. Et il y a l'initiation solaire, qui s'est jusqu'à date adressée exclusivement à l'élite, que l'on appelait préposé à l'initiation, apprenti-initié, et qui finalement, après, on l'appelait cadavre ou initié, dépendant. Cette initiation solaire s'adresse de plus en plus à de plus en plus de monde. Si dans l'Antiquité, on avait le choix, on pouvait se présenter pour être initié, la première chose qu'on vous disait, alors on va se rapporter un peu de l'Antiquité, on s'est emporté en Chine, où on vivait certaines formes d'initiation solaire, de premier ordre. Alors, on va jouer le jeu. Vous êtes une personne qui daignait bien aller dans un monastère où on enseigne certaines choses et où, après quelques années, on peut vivre l'initiation solaire. Alors, vous allez à ce monastère et puis vous frappez à la porte. Et puis là, vous frappez. Il y a un gros morceau de métal et puis on frappe. Et puis là, vous attendez que ça réponde. Ça ne répond pas. Et puis, vous continuez à frapper. Ça répond toujours pas. Alors, si vous êtes une personne qui veut réellement comprendre, pas apprendre, comprendre, eh bien, vous restez et vous frappez encore. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que la porte n'est pas barrée. Alors, vous vous dites, eh bien, je vais jeter un œil. Si on ne me répond pas, je vais me répondre moi-même. Et là, vous ouvrez la porte, ça fait quelques heures que vous attendez, vous ouvrez la porte lentement, vous vous rendez compte que c'est un mur de briques qui est en arrière. Alors, vous vous dites, bon, moi, quand j'ai regardé, j'ai reconnu longtemps. Vous faites le tour du monastère, vous voyez une autre porte. Ah! Et là, vous dites, je vais commencer par voir s'il n'y a pas un mur de briques derrière. Alors, vous essayez d'ouvrir la porte, elle est barrée. Mais là, vous vous dites, elle est barrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mur. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Bien, on se dit, on frappe à toutes les religions. Je frappe à cette porte-là, puis je cours, j'envoie une autre, je frappe aussi, j'essaie de frapper à toutes les portes du monastère. Il doit y avoir une par où ils rentrent, par où ils sortent. Hein? De cette façon-là, bien là, en frappant sur toutes les portes, j'ai plus de chances d'avoir la bonne porte. Ce que tu ne sais pas, c'est chaque fois qu'on ouvre la vraie porte, tu es rendu dans les autres portes. Parce que l'humain veut aller trop vite, il perd du temps. Il aurait été mieux fait de frapper une porte, d'attendre au moins 2-3 jours à chaque porte. Puis quand il serait arrivé à la bonne, bien, il aurait été là quand on l'aurait ouvert. Parce que l'humain est trop pressé, bien, il veut aller plus vite. En allant plus vite, bien là, il joue à la loterie. Il y a une chance sur combien, s'il y a 50 portes au monastère, d'être présent devant la bonne porte quand ils vont ouvrir. Bien, vu qu'ils courent frapper aux autres portes, il y a des chances de courir longtemps. D'ailleurs, on pouvait remarquer à cette époque que les monastères ne tondaient jamais le gazon dehors. C'était toujours tout coupé. Hein? C'était à plat, plat, plat, plat. C'était plein de gens qui couraient autour du monastère tout le temps. À un moment donné, vous trouvez la vraie porte parce qu'on vous ouvre. Et puis, on vous dit simplement... Puis, on ferme la porte. Remarquez qu'aujourd'hui... La majorité des citoyens de ce brave pays qu'est le Canada, de ce brave continent qu'est l'Amérique du Nord, bien, ils poursuivraient le monastère. L'initiation après. Alors, vous êtes un initiable. Vous vous écrasez par terre, après vous êtes essuyé, et puis vous attendez. Vous vous dites, bien, à un moment donné, ils vont peut-être me faire rentrer. Et nécessairement, étant un initiable, vous êtes prêt à mourir. Vous voulez rentrer. Vous avez déjà eu des signes, des preuves que ce monastère fabriquait les initiés. Peut-être même n'en avez-vous qu'entendu parler. Mais vous vous dites, tant qu'à niaiser ailleurs, autant niaiser ici. Alors, vous attendez. Après quelques jours, on vous dit, t'es encore là. Puis là, bien, vous répondez pas, vous n'avez plus la force. Vous passez pour sage, puis on vous fait rentrer. On appelle ça le bon jeu du Lazare. Hein? Vous passez pour sage, mais en réalité, c'est parce que vous n'avez plus la force. Alors, on vous rentre parce que finalement, vous ne tenez plus sur vos jambes. Et puis là, on vous admet dans le monastère. Et là, vous posez la question fatidique. Quand est-ce que vais-je pouvoir être initié? Et là, on vous donne un beau gros coup de bâton sur la tête. Puis on vous dit, avant d'être initié, il faut commencer à savoir pousser un balai. Puis là, vous revivez toutes les vieilles structures des monastères, puis vous vous dites, bon, ça y est, j'ai 15 ans de vaisselle à faire, 15 ans de balai à faire, puis si mon maître qui va m'initier ne meurt pas avant, dans 30 ans, je verrai l'initiation. Alors, il vous vient une seule idée, ça crée votre camp. Allez dans un McDonald's de l'évolution, un endroit où on vous sert à l'automobile l'initiation, où c'est très rapide, puis ça coûte moins cher. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne sort pas de ce monastère quand on est rentré dedans. Et ça, on ne vous l'a pas dit. Mais maintenant, on vous le dit. Vous allez commencer à vouloir marcher sur le chemin de l'initiation, eh bien, vous êtes fait. Vous ne pourrez pas reculer. Par contre, vous pourrez, à un moment donné, bloquer votre initiation à un certain niveau et retourner dans la vie. Et on verra ça dans 30 ans. pour l'instant, pousse le balai. Alors, l'individu qui a commencé son initiation se rend compte que finalement, s'il veut être puissant, il doit être capable de faire ce que tous les faibles font, au minimum. Alors, il apprend à s'anégoïser et il passe le balai. Lentement, dans cette école, on se rend compte, et cette école a existé, on se rend compte que les êtres humains, à pousser le balai et à planter des radis, ils finissent par avoir un corps physique qui laisse à désirer. Alors, on leur montre à se tenir en forme par une méthode particulière qui associe l'évolution du corps physique à l'évolution de la conscience du corps. Et on appelle cela Kempo, K-E-M-P-O. Le Kempo est une technique magistrale qui est enseignée dans ce monastère et qui va être connue quelques centaines d'années plus tard sous le nom de Kung Fu. Alors, on vous enseigne le sport à vous battre à point, avec vos poings, vos genoux, avec certaines armes, juste histoire d'allonger votre portée, votre conscience. On vous montre aussi à vous battre les yeux fermés de façon à ce que votre corps vital se déploie pour que vous vous serviez des sens vitaliques, pas les sens vitaux, les sens reliés au corps vital, les sens vitaliques, de façon à être capable de percevoir un événement qui pénètre dans votre corps vital. Et alors là, maintenant, les yeux bandés, vous pouvez vous défendre. Et nécessairement, vos tibias ne servent plus juste à détecter les meubles la nuit dans votre maison. Ils servent à vous soutenir. Votre corps vital sert à voir. Après avoir travaillé en théologie, après avoir étudié différentes formes de religion, après avoir essayé différentes formes de méditation, méditation assise, méditation debout, méditation à course, méditation à cheval, après avoir lavé la vaisselle, après avoir appris à cultiver, après avoir appris à éduquer les nouveaux, après avoir appris à cracher dans le visage des nouveaux, parce qu'il y en a qui ne sont pas capables. Ceux qui sont capables, on leur montre à les essuyer. Chacun doit apprendre à s'anégoïser. Et puis, à un moment donné, vous êtes rendu suffisamment apte et on vous dit, maintenant, l'initiation solaire n'est pas commencée, mais vous pouvez vous en aller. Si vous voulez retourner dans la vie, il y a une possibilité. Et dans toute forme d'initiation solaire, celle que vous êtes déjà en train de vivre, enfin, vous êtes en potentiel, il vient à un moment donné où l'humain peut abdiquer et se dire, je ne veux plus être individuel dans ma conscience, je ne veux plus être moi-même, je ne veux plus être naturel, je veux être collectif dans ma conscience, je veux être la collectivité, je veux être tout le monde, je veux être normal. Et là, il y a des possibilités qu'on vous dise, parfait, vous en avez assez fait pour augmenter le potentiel évolutif de l'humanité, vous pouvez maintenant reposer dans le troupeau. Et là, vous allez revenir à l'initiation lunaire, mais vous allez la passer plus facilement. Alors, vous décidez de sortir du monastère, eh bien, on vous fait une petite fête, et puis on vous fait sortir et vous en allez. Quand vous arrivez dehors, nécessairement, tout le monde vous reconnaît comme étant un moine, ou encore comme étant une moine. Eh bien, là, vous êtes vénéré. Mais celui ou celle qui décide de rester et qui dit « moi, je veux continuer », eh bien, voilà, elle ne peut plus sortir jamais du monastère. Elle est faite. Sauf qu'il y a encore une manière de sortir. Et c'est ça que vous recherchez, c'est cette manière de sortie, la porte d'en arrière. Alors, vous continuez à apprendre les techniques de corps, c'est-à-dire les techniques évolutives, et qu'on appelle techniques de défense quand on ne comprend plus rien. Mais on appelle ça des techniques évolutives. Et on doit apprendre à battre notre pire ennemi, notre anti-homme. Pas les autres. Les autres, on se défend contre les autres, on ne se bat pas. Et à un moment donné, bien là, vous dites, je suis prêt, je me sens prêt, je veux faire l'initiation solaire. Je veux devenir autre chose que l'humanité, c'est-à-dire que je veux devenir un être humain. Je ne veux pas rester au niveau du troupeau, vivre la vie de l'animal humain, celui qui, quand on sonne la cloche, se pointe, celui qui sort meuglé dans la rue pour avoir une augmentation de ceci ou de cela, celui qui regarde les mêmes films que tout le monde, celui qui mange la même bouffe, même s'il sait que c'est bon ou pas bon. Je ne veux pas. Mais je suis prêt maintenant à sortir pour aller découvrir le monde à partir de ce qu'il m'a découvert. Alors, on dit et on vous dit, il n'y a aucun problème, il vous suffit simplement de passer les petites épreuves banales, quoi, c'est juste question de paperasse, et puis par la suite, eh bien, vous sortez par la porte d'en arrière, puis vous vous en allez. Si vous sortez, vous avez la possibilité de revenir. Si vous revenez, vous serez un de nos maîtres. Si vous sortez, bien, vous serez un maître extérieur. L'initiation solaire permet cela. Alors, vous décidez de sortir. Premièrement, vous devez battre aux arts martiaux tous les maîtres du monastère. Bon. Deuxièmement, vous devez répondre à des questions théologiques qui n'ont jamais encore été répondues dans le monastère. Bon. Troisièmement, vous devez guérir des maladies qui sont encore incurables par le monastère. Quatrièmement, vous devez être capable de faire pousser des plantes d'une façon plus rapide et plus jolie que toutes les meilleures plantes du monastère. Cinquièmement, vous devez être capable d'administrer et de gérer des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'on va créer ou des problèmes existentiels au niveau des finances du monastère, vous devez les régler. C'est-à-dire qu'avant de sortir, vous devez être au minimum meilleur que toutes les meilleures du monastère. Puis quand c'est fait, eh bien là, vous descendez dans le sous-sol, et en arrivant dans le sous-sol, vous rencontrez ceux qui déjà un jour sont sortis et sont revenus. Ça fait longtemps que vous en avez entendu parler, mais jamais vous ne les aviez vus. C'est ça qui est un peu colon dans une initiation. C'est qu'on fait juste vous dire, oui, oui, il y en a. Et vous dites, puis-je les voir? Et on répond, non, quand tu seras prêt. Mais quand tu seras prêt, c'est quand tu seras comme eux autres, sinon tu ne les verras pas. Alors, pendant le nombre d'années que vous avez passé là, à espérer qu'au moins vous étiez, vous étiez pas fait avoir, bien, vous descendez dans le sous-sol, puis là, vous voyez un paquet de bonhommes ou de bonnes femmes qui sont placés de deux côtés. Ils ont chacun relevé leur manche. D'un côté, ils ont relevé la manche droite. L'autre côté, ils ont relevé la manche gauche. Et ici, on a un dragon qui est implanté. Et l'autre côté, on a un lion. Et là, vous savez que ces deux symboles sont le symbole de l'initié par le feu. Initiation solaire. Alors, vous traversez la gang de zigotos. Et puis là, ben, y a une belle porte. Puis on vous dit, voilà, tu n'as qu'à sortir. Ah, là, tout barbouillé d'enthousiasme, vous sortez. Quand vous rentrez là-dedans, ben, il fait noir. Et là, vous voyez que les gars, ils commencent à murer. Hein, ils murent, ils mettent les briques du ciment, ils murent le mur. Fait que tu ne reviens pas par là. Et puis là, vous vous rendez compte, une fois qu'ils ont muré, que c'est totalement noir. Alors, il reste rien que votre corps vital pour vous en sortir. Il y a des pics qui dépassent avec des poisons très fins, n'est-ce pas? Certains vous tuent, d'autres vous rendent malade, d'autres vous paralysent. Il y a des bébites bizarres qu'on appelle scorpions, tarentules. Et il y a des pierres qui tombent du plafond de temps en temps, sans compter les trous qu'il y a à terre dans le chemin qu'on doit détecter sans nos yeux parce qu'il n'y a pas de lumière. En plus, c'est un labyrinthe. Ça, on ne vous l'a pas dit. Vous ne devez pas vous perdre parce que sinon, ça complique les choses. Et puis, de temps en temps, vous devez enjamber ceux qui ont manqué le coup. Ça pullule. Enfin, ça pullule, oui. Et puis là, on contourne et on enjambe. Et puis finalement, si on a suffisamment d'instantanéité, eh bien, on arrive à la porte. Il y a un problème, la porte, elle est barrée. Il y a des grands, grands pics de métal. C'est bourré de chardon ardent en dessous. C'est chauffé au rouge. Et il y a seulement une place pour passer. Mais il y a une grosse marmite remplie de chardon ardent qui est là et qui barre le chemin. La seule façon de traverser, c'est de ramasser la marmite avec les deux avant-bras, de la lever. Mais là, elle incruste à jamais le lion et le dragon dans votre peau. Après ça, ben, vous sortez. Et normalement, on avait la décence de vous faire sortir l'hiver. Enfin, vous pouvez au moins vous garocher dans la neige pour éteindre le dragon puis le lion. Une fois que cela était fait, lorsque notre bonhomme, notre bonne femme sortait, eh bien, il y avait beaucoup de bandits à l'époque. Aujourd'hui, il y en a aussi, mais certains ont des uniformes, d'autres sont... Tu sais, ça change. Et puis, à l'époque, il y a beaucoup de bandits. Quand il y avait quelques personnes qui vous attaquaient, eh bien, vous aviez juste à vous gratter la tête, c'est-à-dire à faire en sorte que la manche libère le symbole, puis tout le monde se fuyait. Les bandits étaient voleurs, bandits, crapuleux, mais pas assez fous pour mourir. Parce qu'on savait que vous n'étiez pas tuables. Alors, à partir de ce monastère, énormément de légendes sont nées. Un maître qui marchait sur une corde auquel étaient attachées des cloches, et il était tellement au contrôle de son corps qu'il ne faisait jamais teinter les cloches. Un maître qui avait la faculté par la voix de pousser un cri, de paralyser, de tuer ou même de défoncer des murs à distance. On avait des maîtres qui avaient la faculté de tirer plusieurs flèches l'une dans l'autre, fendant une flèche sur l'autre ou encore de les attraper en plein vol. On a eu plusieurs. On a eu des maîtres qui ont volé, on a eu, etc. On parle des voleurs. Mais tout cela, c'est une initiation solaire qui a et qui était l'apanage d'une forme d'humanité qui lentement a engendré dans les Himalayas différentes structures, différentes secondes sectes. Étant donné que le monastère Shaolin a été totalement détruit à un moment donné par l'armée impériale chinoise, même si le monastère existe encore aujourd'hui, on ne peut que vivre de la tradition, on ne peut plus vivre de la réalité. L'initiation solaire, elle a déjà existé dans le passé. Elle s'adressait à des élites. Il y a eu le Nazaréen qui a vécu une initiation solaire. Mais lui, il en a vécu quatre. La première initiation solaire qu'il a vécue est celle que quelques-uns d'entre vous et beaucoup de personnes à l'échelle du Québec vont à un moment donné devoir supporter. Celle d'être tout à fait anormal. Celle de se rendre compte que finalement, nous ne sommes pas humains, mais nous sommes autre chose. Une espèce de bébite que les autres refusent, et qui nous permet de dire des choses qu'on n'a pas apprises, ce qui rend encore les autres jaloux, et qui permet aussi de nous terroriser soi-même en répondant nous-mêmes à nos propres questions, alors que finalement, nous ne devrions pas, selon le standard planétaire, être capables de répondre à ses propres questions. Lentement, le Nazaréen, vers l'âge de 11 ans, a découvert qu'il n'était pas humain. Il a lutté pendant un an et demi. Et à un moment donné, il a fini par être capable de dire à ses parents, « Je dois m'occuper des choses de mon Père dans le ciel. » Pour que cela puisse être dit par un humain qui ne se prend pas au sérieux et qui ne veut pas non plus être la manipulation sous-jacente de n'importe quel missionnariat astral, ben, il fallait que notre individu, et il fallait nécessairement que l'être humain qui vit cela, puisse être capable de supporter ce contact avec autre chose que sa mémoire génétique, avec autre chose que sa tradition familiale, avec autre chose que l'égrégore de sa nation, mais il fallait que l'humain puisse être capable de supporter l'idée que, à part le corps physique, à part le corps vital, à part l'âme, le corps astral, à part la structure mentale, à part cela, je suis extraterrestre. Lorsque le Nazaréen était capable de supporter l'idée qu'il n'était pas tout à fait humain, eh bien, il a pris un verre d'eau. Et il a bu. Beaucoup plus tard, le Nazaréen devait se faire confirmer son état. Alors, il doit être capable maintenant d'exprimer suffisamment ce qu'il est. Donc, il a dû. Et l'initiation solaire, ça ne dure pas 32 secondes. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. Et à travers cette lutte entre le Christ, l'énergie supramentale qui est descendue à l'intérieur du corps de Jésus, donc entre la lutte de l'ego familial, traditionnel, l'ego Jésus, et la conscience nouvelle, la conscience christique, la conscience supramentale, la lutte va s'amplifier jusqu'à un beau jour où le Nazaréen, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore fusionné Nazaréen, ce n'est pas encore Jésus-Christ, c'est Jésus. Lorsque Jésus finit par se dire, bon, bien, la seule condition que j'opte, que je peux accepter, c'est que si des humains sont capables de confirmer ce que je sais, alors j'accepterai d'être ce que je suis. Après avoir passé donc quelques années d'initiation solaire de premier ordre, il rencontre son ami. Enfin, son ami qui a été plus ou moins créé comme lui, parce qu'il était aussi un potentiel à l'initiation solaire. Il rencontre Jean sur le bord d'un fleuve. Jean est en train de baptiser du monde. Et lorsque lui descend, il se fout à genoux devant Jean. Il y a des étincelles qui vont sortir de cette rencontre. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme la Bible mentionne, mais disons qu'on va résumer. Et là, finalement, Jean accepte de baptiser le Nazaréen. Et là, le Nazaréen étant reconnu par Jean, en l'occurrence, le gars qui gueulait contre toutes, le gars qui disait que tout le monde était des pervertis, que tout le monde était des faux messies, des faux prophètes, des andouilles. À l'époque, on n'avait pas les mots pour dire « trou de ce que vous savez ». Mais enfin, il y allait, c'était absolument effarant. Et lorsque le Nazaréen est arrivé devant lui, eh bien, il a juste dit « c'est toi qui devrais me baptiser ». Ça, c'est un coup de cochon. Évidemment, quand on fait une initiation solaire, on espère simplement que ça ne nous arrivera pas. Alors, Jésus va voir Jean pour se faire baptiser comme tout le monde. Bref, pour savoir qu'il n'est pas ce qu'il pense qu'il est. Mais il y a un problème, c'est que Jean le reconnaît. Alors, nécessairement, il doit maintenant supporter totalement ce qu'il est. Alors, il va sacrer son camp dans le désert, une soixantaine de jours. Et il va donc manger, il va se reposer, il va réfléchir et il va aligner sa vie. Troisième initiation solaire, c'est celle où il doit gagner l'enfer. Et l'enfer pour un être humain, ou l'enfer pour un être extraterrestre, je ne parle pas des extraterrestres qui viennent en vaisseau spatial, je parle d'une conscience qui englobe l'univers. Une conscience qui n'est pas strictement limitée à la conscience planétaire, donc une conscience qui est aussi extraterrestre. Alors pour cela, le Nazaréen descend aux enfers, c'est simplement gagner le monde de la mort, là où vont la majorité des âmes humaines, et il doit, en gagnant le monde de la mort, aller récupérer toutes les âmes humaines qui ont vécu sous sa propre conscience. Alors il supportera donc ce poids d'humanité, et pour cela, il doit mourir. C'est-à-dire que le corps physique doit s'en aller, de façon à libérer totalement et l'âme de Jésus, qui va donc se disloquer du corps physique, gagner le monde mort en ciel. Et par la suite, l'âme de Jésus aura tendance à monter dans le monde de la mort, ce qui servira de canal et de chemin à l'intelligence christique pour qu'elle puisse pénétrer le monde de la mort, bien camouflée dans l'égrégore, ou enfin dans l'âme de Jésus. Lorsqu'il gagne le monde de la mort, il règle petites choses. Et finalement, sa quatrième initiation solaire, c'est malgré tout ce phénomène évolutif de revenir dans un corps plus ou moins matériel pour continuer à finaliser son travail. Et on appelle cela la résurrection, qui a été sa quatrième initiation solaire. Ce que le Nazaréen a fait, nul autre humain n'aura à le faire. Parce qu'il l'a fait. Ce n'est pas beau. C'est simplement comme ça. Lorsqu'un clou est planté et que quelqu'un le plante, Bien, les autres n'ont plus à le faire. Le clou est planté. C'est pas beau, c'est qu'il n'y a plus de clou à planter. C'est simple. Par contre, il y a quelques vis à visser, quelques planches à couper. Si l'humain veut absolument copier l'autre, eh bien, les humains vont commencer à planter plein de clous, alors que ce n'est pas nécessaire. Et lentement, leur cheminement évolutif, leur religion, leur système d'évolution va lentement s'effriter. Parce que sous le martèlement des marteaux, sous le picotement des clous, les vis et les bois, les planches n'étant pas coupées, lentement, tout peut tomber. L'initiation solaire, ça concerne votre vie. Ça concerne votre conscience. Ça concerne ce qui anime votre corps. Mais ça concerne aussi et surtout ce qui anime votre âme. Il y a à l'intérieur du corps de l'homme une âme. Une âme qui sert à animer le corps de l'homme. Cette animation âmique est créée par une force mémorielle qui a été engendrée d'ailleurs par l'expérience de l'homme il y a de cela quelques millions et quelques milliards d'années. Mais présentement, c'est placé dans le monde de la mort et c'est du monde de la mort que proviennent les âmes pour animer les corps physiques. Et nécessairement, lorsque l'âme s'identifie à elle, lorsqu'elle peut dire « je » et « moi », lorsque l'âme grandit en expérience, on dit en sagesse, mais c'est en expérience, lentement, l'âme vibre qu'elle est rattachée à une source qui l'a engendrée. Et ce canal, qui porte d'ailleurs le prénom de l'individu, ce canal qui la relie à la source, à l'égrégore, ou à la religion, enfin, à la source astrale qui l'a engendrée, eh bien, l'âme la vibre. La vibrant, l'âme, ne comprenant pas ce qui arrive, elle va donc essayer de créer un parallèle entre le monde matériel et son monde spirituel, et elle pourra donc parler d'un cordon ombilical. Ce cordon ombilical, nécessairement, aura tendance à engendrer dans la conscience de notre âme l'idée que nous sommes rattachés à un créateur, donc à un père ou à une mère. Étant donné que l'homme privilégie sa propre nature dans les temps passés où ses religions étaient amené sur le plan planétaire, nécessairement, le cordon ombilical sera relié à un homme, donc à un père, et c'est pourquoi il s'appellera Dieu. La mère, créatrice, portera souvent le nom de la terre, celle qui engendrera le corps. Alors, et immédiatement, l'âme se met en devoir de se nourrir de son Dieu. Alors, elle le prie, elle l'adore, elle le couvre d'or, c'est-à-dire qu'elle lui donne des mérites qu'il n'a pas. Et lentement, à la longue, en nourrissant ce Dieu prend de la puissance, et ce Dieu s'identifie, et ce Dieu commence à imposer à l'homme différentes choses. Alors ce Dieu qui est tout à fait la copie conforme dans une immensité plus grande de l'âme de l'homme, cet égrégore, cette religion, ce Dieu aura un égo. Et cet égo finira par concevoir la même chose que l'homme. L'homme a besoin d'être nourri par Dieu, et Dieu aura maintenant besoin d'être nourri par l'homme. Alors Dieu va instruire l'homme nécessairement de convertir autrui. Plus il y aura d'êtres humains qui vont nourrir le Dieu, plus le Dieu se sentira puissant. Et lentement, les autres dieux du monde de la mort pourront lentement s'en aller mourir. Et en même temps, eh bien, il se sent sécuritaire, il se sent nourri. De quelle façon? Premièrement, l'humain ne peut nourrir les forces divines du monde de la mort, les forces divines célestes, ça n'a rien à voir avec les cieux, les forces divines célestes, que par l'émotion. Seule l'émotion est un facteur nutritif pour le monde de la mort, pour les divinités. Seule l'émotion. L'intellect ne nourrit pas les divinités. Le mental ne nourrit pas les divinités. La conscience christique crée les divinités, mais elle ne les nourrit pas. Elle les crée et elle les détruit. La conscience bouddhique leur donne une raison d'être. Elle peut aussi la leur ôter. Et l'intentionnalité du plan divin dans les cieux leur permet d'avoir l'illusion d'une forme de libre-arbitre, c'est-à-dire qu'elle leur donne la permission de manipuler l'humain. Seule l'émotion nourrit le monde de la mort. Que le Dieu s'appelle Satan, que le Dieu s'appelle Jéhovah, que le Dieu s'appelle mon père, que le Dieu s'appelle Manitou, ça ne change rien. Seule l'émotion. Alors l'humain sera immédiatement investi de cette fausse idée que le Dieu a du libre-arbitre. On l'investira dans l'homme et on dira à l'homme, tu as un libre-arbitre. Immédiatement, on pourra dire à l'homme, c'est de ta faute. Et l'homme se sentira coupable de faire les choses qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas. Alors, il portera maintenant le poids de toute la déchéance, de toute la création complète de son facteur sur les épaules. Et nécessairement, ce poids sera suffisamment pesant pour l'écraser pendant un laps de temps relativement long, quelques millions d'années. Cela fait partie de l'initiation lunaire, où l'individu évolue, mais il n'en a aucune conscience. À travers l'évolution de la génétique des corps physiques, vos ancêtres ont commencé à poser des questions interdites. Des questions amenées par le plan mental, par l'intellect. Alors, les dieux se sont montrés contre l'intellect, parce que l'émotion seule nourrit les dieux. Alors, les personnes doivent prier avec de l'émotion. doivent aimer Dieu ou ils doivent haïr Dieu, ça ne change rien. L'homme doit se sentir et la femme doit se sentir coupable, avoir honte. Toute la structure évolutive n'est basée que sur l'âme, phénomène expressif de l'émotion. Tu dois craindre, tu dois avoir peur de ton Dieu. C'est de l'émotion. Lorsque vos ancêtres ont commencé à poser des questions mentales, eh bien, immédiatement, ceux qui étaient reliés émotivement à leur Dieu ont commencé à se monter contre les intellectuels et ont commencé à les attaquer. Ils les attaquaient en les tuant, ils les attaquaient en les faisant disparaître, en les brûlant ou simplement en les mettant en prison. On leur disait, renie ce que tu dis et on te mettra libre. Alors, c'est pourquoi la Terre, théologiquement plate, devait rester plate. D'ailleurs, elle est encore plate. C'est pourquoi les étoiles, le soleil, devaient tourner autour de la Terre, même si ça n'avait plus de sens scientifiquement. C'est pourquoi l'homme qui était malade devait mourir. Ce n'était pas du ressort de l'homme de le guérir. Et aujourd'hui, on va dire, ce n'est pas du ressort de l'homme que de cesser de le guérir. Par d'euthanasie, les temps ont changé. Et lentement, l'intellect se développa parce que la génétique de vos ancêtres, transmise à leurs enfants, encore vos ancêtres, évoluait. Bien, l'humain avait de plus en plus cette capacité intellectuelle de voir le monde, une capacité qui lui permettait de le vivre émotivement, mais de le comprendre d'une façon intellectuelle. Alors, lentement, les forces divines ont commencé à perdre du terrain parce que moins d'humains les nourrissaient et nécessairement, les dieux commençaient à se fatiguer. Alors, les dieux ont engendré des apparitions de façon à créer, encore une fois, la culpabilité dans l'humain. « Vous ne priez pas assez, repentez-vous! » Toutes les apparitions disent cela. « Bâtissez une chapelle sur le terrain même! » Après ça, bien, venez prier, on vous guérira peut-être. Combien de temps la guérison va durer, ça, on verra. Encore une fois, on veut émotiviser l'humain. Et nécessairement, les apparitions de plus en plus apparaissent que dans les pays développés, les pays où l'intellect n'est pas suffisamment développé. Parce que là, au lieu de l'intellect, les apparitions ne sont pas bienvenues. Ils n'apparaissent pas non plus, c'est de l'énergie perdue. Plus vos ancêtres ont évolué, plus ils ont été capables d'engendrer une société qui permettait au phénomène mental de l'homme de prendre son expansion jusqu'à l'invention des ordinateurs, finalement des ordinateurs transistorisés, finalement des ordinateurs qui rentraient dans les maisons, après ça qui rentraient dans les chambres, après ça qui rentraient dans les bureaux, puis finalement les micro-ordinateurs qui peuvent maintenant tenir sur une petite table quand ce n'est pas dans sa main. Le mental de l'homme a été totalement matérialisé. Et cette matière mentale créée dans l'ordinateur est plus efficace que l'homme parce qu'elle n'est pas colorée par toute la mécanicité du monde astral de l'émotion. L'ordinateur sera capable de prendre un choix logique, tandis que l'être humain prendra un choix logico-émotif, et souvent l'être humain se fait avoir parce qu'il a pris un choix plus émotif que logique. À un point tel que l'humain finit par demander à un ordinateur « Je suis comme ceci, je veux ceci, trouve-moi la femme ou trouve-moi l'homme qu'il me faut. » L'ordinateur fouille dans les fiches, puis là, il dit « Tiens, c'est celle-là. » Alain Bouton sur le nez, là, tu ne l'aimeras pas, mais tout le reste est correct. Et l'humain qui décide de s'associer avec ça a plus de chances de réussir que l'humain qui se promène dans un bar pour cruiser, puis là, ben, il essaie de se plaire à un corps physique, puis il se fout réellement à ce qui l'habite. Maintenant, on commence à checker au moins pour le sida, là. Mais le reste qui l'habite, ça ne le dérange pas trop. On envoie des navettes dans l'espace, et là, certains vont dire « Ah, il n'y a une que sauter, Dieu ne voulait pas. » Il y a 5 qui ont réussi, Dieu voulait. Mais c'est l'ordinateur qui doit diriger, parce que l'humain est trop émotif. Ce n'est pas grave. Par contre, la phase mentale de l'homme lui permet d'entrevoir une humanité nouvelle, elle lui permet d'entrevoir un monde nouveau, elle lui permet d'entrevoir une conscience nouvelle, elle lui permet maintenant d'entrevoir une explication plutôt rationnelle de la mécanique anciennement expliquée par l'émotif. Et là, l'être humain peut passer de l'initiation lunaire à l'initiation solaire. Séparons brièvement les deux. Buvons de l'eau avant. Vous pouvez tous boire vous aussi, là. Bon, ça c'est boire. L'initiation lunaire, elle oblige le corps physique de chacun d'entre les descendants de nos ancêtres, de chacun d'entre nous, à évoluer. Une chose sine qua non pour l'évolution, croissez et multipliez-vous. Vous savez une chose, l'être humain aujourd'hui ne se reproduit plus. Il reproduit des corps physiques, mais pas lui. Et lorsqu'il meurt, il réhabite un corps reproduit dans deux lignées. Il ne se reproduit pas, il reproduit des véhicules planétaires. La conscience qui nous habite ne meurt pas. L'âme va dans le monde de la mort et elle est dissoute. Et elle se réincarne d'une façon pluralitaire, où là, lorsque l'âme commence à avoir la parole, tout ce qu'il peut dire, c'est « j'ai aucune idée d'où ce que je viens, je ne sais pas où ce que je fais, je ne sais pas où je vais. » Puis j'espère que dans ma vie antérieure, j'étais un grand roi. Puis si je ne comprends pas la réincarnation, bien j'espère que ma tête est assise à la droite de tout partout, à la droite du Père. Bon. Sauf que, lentement, le phénomène mental de l'humain travaille. Et en travaillant, elle pose des questions que l'âme, que l'ego ne peut pas supporter. Ces questions-là ont antiquement été exclues en disant que les voies de Dieu étaient impénétrables. Va te coucher, ferme ta gueule. Mais plus l'évolution mentale de la génétique permet à l'homme d'entrevoir des réponses à cette chose, les voies de Dieu sont impénétrables, plus Dieu s'éloigne du cœur de l'homme. Et nécessairement, lentement, la vieille tradition qui avait comme rôle de supporter l'évolution inconsciente des corps physiques animés par des âmes inconscientes pendant quelques milliers d'années, semble de plus en plus dérisoire pour une majorité d'humains croissants qui, finalement, ne sont plus capables de se contenter exclusivement des petites histoires des pays d'en bas, des histoires théologiques. Lorsque l'être humain est extrêmement déprimé, il pourra se supporter et se nourrir de ces histoires. Parce que lorsque l'être humain est extrêmement déprimé, il n'exprime que de l'émotion. Exprimant que de l'émotion, il peut alors se faire violer sa conscience par les forces astrales, les forces divines dans le ciel, pas les forces créationnelles, les dieux qui ont engendré ces petits dieux que nous vénérons. Lorsque l'être humain n'est pas déprimé, lorsque l'être humain peut fonctionner, lorsqu'il n'est pas constamment charrié par des pensées dans sa tête, il est assis dans sa chaise, puis là, ça lui dit, « T'as peut-être mal fait, t'as peut-être mal fait, t'as peut-être mal fait. » J'ai été si puissant, il répond, « J'ai peut-être bien fait, j'ai peut-être bien fait, j'ai peut-être bien fait. » Puis après ça, s'il se rend compte qu'il s'est trompé, s'il est suffisamment mentalement puissant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Si j'avais su, mais je savais pas, mais je savais pas. Tant pis pour vous autres. Prochaine fois, faites-moi voir, moi le faire. » Tandis que dans l'évolution exclusivement lunaire, souffrante, Tu vois, tu t'es trompé. Puis l'autre, il répond, oui, mais je ne le savais pas. T'avais qu'à m'en faire ça. Excuse-moi. Non. Oui, un peu. Mais ça ne regarde pas l'humain. Quand on fait une erreur, on ne le sait pas avant. On le sait après. Donc, pas notre faute. Ils n'ont rien qu'à nous le dire. L'évolution mentale finit par permettre à l'humain de supporter un peu plus sa condition d'imbécile, sa condition d'ignorant, la condition qui lui fait dire, ben oui, mais vois-tu, Dieu t'a créé dans sa bonté, puis a pensé de te donner un bras! Au moins, il m'a dit, t'aurais pu en avoir le bras! Puis toi, tu réponds, oui, mais il aurait pu m'en donner deux, comme tout le monde. Puis t'es bien égoïste, tu dis, oui, mais il aurait pu au moins donner un à tout le monde. Alors, lentement, ça ne fonctionne pas. Et surtout que lorsque les parents sont trop mentales et qu'un enfant handicapé vient au monde, eh bien là, l'astral, la théologie astrale vient dire aux parents, vous voyez, c'est de votre faute. Les parents, s'ils ont suffisamment de plans mentaux développés, ils vont dire, non, c'est pas de notre faute. Il y a un enfant sur 500 qui est handicapé, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. C'est plate, mais c'est pas de notre faute. Lorsque l'humain continue sa croissance, sa génétique change, son corps physique devient un peu plus solide et nécessairement, d'enfant en descendant, vous êtes venu au monde. Étant venu au monde, on vous a instruit de la tradition. La tradition est extraordinairement importante dans un phénomène évolutif qui contient différentes formes d'humanité. La tradition est la certitude que, ne sachant rien de rien, bien au moins si on a suffisamment de mémoire en arrière, tellement de mémoire en arrière qu'on n'arrive pas à voir le bout, on pourra au moins s'illusionner que le bout, il se relie quelque part. Même si on n'en a pas la certitude. On a la Genèse. Mais avant ça, on commence par te contenter de la Genèse, puis après ça, étudie tout ce qu'il y a jusqu'à toi, puis ça va peut-être te faire oublier d'aller fouiller l'autre bord. Mais quand l'être humain continue son évolution, il finit par être capable d'englober des distances et des temps qu'on n'englobait pas dans le passé. Il y a 30 000 ans, apparemment, la Genèse explique la création de la terre, de l'homme, de l'herbe, des animaux et de la souffrance. Sauf que notre terre date de quelques milliards d'années. Alors même si la théologie émotive, même si les dieux émotivement ne veulent pas que l'on parle de critères qui viennent transformer la tradition, le phénomène mental de l'homme continue à en parler, à le supporter. Alors, à un moment donné, dans cette plus ou moins début de transition vers l'initiation solaire, on se met à renier la majorité des traditions, alors que ces traditions conservent quand même des choses qui sont réelles, mais mal interprétées ou mal appliquées. On se met à renier le monde de la mort et tous les phénomènes de divinité, alors que ceux-ci existent réellement, ils pourraient même servir l'homme. On renie tout ce qui a été enseigné à l'homme par la voie émotive. On la renie maintenant mentalement parce qu'on a trop peur de retomber dans le cheminement émotif. Alors, si on dit à l'homme, « Un jour, tu seras heureux », l'humain répond, « Ha, ha, ha, t'es-tu témoin de Jéhovah, toi? » Bon. « Un jour, il y aura un monde qui sera plus parfait. » Ah tiens, quand? Après la guerre mondiale? Quand on va être revenu des hommes des cavernes? Et lorsqu'à un moment donné, les savants vont même jusqu'à prévoir qu'il y a une possibilité de cataclysme majeur planétaire, tout le monde dit « Oui, oui, on le sait, ça fait 30 fois là, dans les 200 dernières années qu'ils prédisent. » Alors finalement, on devient des êtres humains qui, comme à Los Angeles, achètent les maisons les plus dispendieuses sur les failles sismiques de façon à se prouver que ça n'arrivera pas. Mais ils seront les premiers à s'en aller. Ils pourront rire au moins à ton banc, j'espère, qu'ils ne dormiront pas. Lentement, le mental continue à pressentir des choses que le mental refuse et rejette au nom du fait que vos ancêtres en ont déjà parlé. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne change pas une humanité en dedans de 30 ans. Si un jour je me mets à parler des futurs possibles à notre société planétaire, à notre planète, ce que je vais dire est peut-être quelque chose que je vais tirer d'un avenir qui est dans 2 ou 3 000 ans. Alors l'humain s'écrase et dit, « Ah, oh, ben c'est pas pour nous autres. » Alors dans ce temps-là, on compte des mentries puis on dit que c'est dans 200 ou 300 ans. Mais là, il s'écrase pareil. Alors finalement, bon, il dit, on peut au moins améliorer les choses d'ici les 10 ou 15 ou 30 prochaines années, ce qui est réel. Mais là, l'humain, ici, il se dit, « Ben oui, mais 10, pas 30, là, non, là, c'est trop vrai, on peut faire pas les croire non plus. » L'humain est convaincu qu'il doit émotivement embarquer dans un cheminement pour y croire. Alors que c'est faux. L'humain peut embarquer dans un cheminement solaire et en voir l'intelligence mathématique. C'est-à-dire que l'humain, au lieu de développer une croyance émotive, une croyance intestinale, il doit développer une croyance mathématique. Quels sont les potentiels de succès? 80 % 75 % 40 %. 40 %, c'est encore raisonnable, parfait, j'embarque. Croyance mathématique. Mais l'humain a tellement peur de retourner dans son système de croyance émotive qui l'a souvent trompé, il bannit plein de choses. L'initiation lunaire est une initiation qui s'adresse aux masses. L'initiation lunaire est une initiation qui s'adresse à votre corps physique. Elle se fout royalement de tout ce qui peut exister hors le corps physique. L'initiation lunaire se fout de vos âmes. L'âme n'évolue pas. L'âme apprend de l'expérience, mais elle n'évolue pas, elle ne change pas. Alors, après des milliers d'années, l'humain a les mêmes problèmes, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes jouissances, les mêmes buts, les mêmes désirs, les mêmes guerres, les mêmes viols, les mêmes meurtres, les mêmes genres de société. La matière a changé, mais c'est la même affaire. Avant, les patrouilles romaines fouillaient les rues le soir, maintenant, c'est nos patrouilles de limier. Ça n'a rien qui a changé. Bon, il y avait des catacombes, on a nos métros, hein? C'est similaire. Bon. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'initiation lunaire, elle oblige l'humain à être heureux pour ensuite le mettre malheureux. Et quand il est malheureux, bien là, on le remet heureux. Puis quand il est heureux, bien on le remet malheureux. C'est typique de l'initiation lunaire. C'est essentiel. Et vous, en tant qu'âme, ça ne vous regarde pas en tout ça. Pourquoi quand tout est en train de bien marcher, il faut toujours qu'il y ait un imbécile qui vienne, qui est manipulé par le monde de la mort, puis qui vient tout mettre de la bisbouille dans votre affaire? C'est parce que maintenant, vous avez suffisamment vécu de bonheur, que maintenant c'est votre lot de malheur qui vient, parce que c'est la seule façon de faire changer vos corps physiques. Alors, tant que l'être humain est assujetti à l'initiation lunaire, il a beau rêver de bonheur, de paix, comptez pas là-dessus. C'est pas le lot de l'initiation lunaire. La chose qui doit muter, c'est le corps physique. Le corps physique mute, je l'ai souvent expliqué, par une agression hormonale. Les hormones, lorsqu'elles sont émises par le système endocrinien, connectées à l'âme, qui transmet son vécu dans le système endocrinien, ce qu'on appelle l'émotion, elle agresse le corps physique, nécessairement elle le fait vieillir, lentement elle le tue, mais en même temps elle le fait changer. Le faisant muter, ça permet d'engendrer les enfants qui vont bénéficier de la mutation, et ça permet en même temps d'instruire le monde de la mort de structures mutatoires qui pourront resservir lors d'une réincarnation plus tard, et ça permet une forme d'évolution dans le corps physique de l'humanité. Lorsque l'être humain est heureux, après 2 ans de bonheur, les hormones qu'il sécrète ne changent plus rien sur son corps physique. Fait que là, on le rend malheureux. Sa fille se drogue. Son gars vend de la drogue à sa fille. Il se passe quelque chose. La bonne femme meurt ou le bonhomme meurt ou il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe de quoi pour que la personne qui évolue puisse, du jour au lendemain, virer de bord. Et là, elle se met à sécréter des hormones. Puis là, le corps commence à réagir. Puis là, elle transpire. Puis là, elle sécrète. Puis le cœur se promène. Puis elle peut en mourir. Mais ça, c'est secondaire. Je parle du point de vue cosmique, pas du point de vue humain. Du point de vue humain, c'est primaire, en sacrableu, on a besoin de notre corps physique. Sauf que du point de vue cosmique, c'est secondaire. Et ça engendre des humanités. La justice de Dieu, le créateur des dieux que l'humain prie, est juste. L'idée, c'est que cosmiquement, un travail doit être fait. Et ce travail sera fait lorsque l'intelligence, lorsque les dieux, pourront habiter dans des corps de matière capables de les supporter, de les endurer. Ces corps-là, c'est présentement l'âme de l'homme qui les anime, et cette âme de l'homme, nécessairement, elle ne veut pas les quitter lorsque l'esprit descend. Ça, c'est le premier problème de l'initiation solaire. Lorsque Jésus a refusé le contact christique, c'est que l'âme qui habitait le phénomène n'a pas accepté d'être christifiée, et plutôt été terrorisée, et après quelques années, il a accepté. Premier palier de l'initiation solaire. Accepter d'être, premièrement, anormal, deuxièmement, d'accepter d'être naturel, et finalement, accepter de se lancer dans, non pas une mission, mais d'accomplir simplement ce qui nous passe par la tête comme étant logique, comme étant bénéfique, comme étant écologique. C'est une forme d'expression de l'amour, mais pas un amour dans le sens « Ah bien, ça me fait souffrir, fait que je l'aime, puis il m'a l'aidé. » C'est pas ça pantoute. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Là, on se fait tripoter les couilles pour pouvoir aider quelqu'un. Imaginez-vous, c'est de la belle amour. Bien, tout l'amour de l'initiation lunaire marche comme ça. L'humain n'a jamais appris à aider quelqu'un d'autre s'il n'avait pas de compassion pour lui. Il devait souffrir pour lui. En souffrant pour lui, bien là, il l'aidait. Manipulation. L'initiation lunaire, elle oblige l'humain contre son gré. Et c'est pourquoi il y a de gros problèmes. C'est que quel que soit ce que la conscience de l'homme décide d'entreprendre, il peut être sûr qu'il va quand même continuer à marcher en sinus, de haut en bas, pour la simple raison qu'il est sur le plan planétaire, juste pour habiter un corps physique, de façon à l'animer pour qu'il se passe de quoi. Alors nécessairement, quel que soit le pays, le peuple, quelle que soit l'île, quel que ce soit l'endroit qu'on veut créer sur la planète Terre ou dans cette galaxie, quelle que soit la substance, s'il y a un seul animal humain dedans, on peut être absolument certain qu'il faudra un jour l'expulser, le mettre en prison, l'instruire, le muter, l'envoyer, faire quelque chose avec. Parce qu'il va nuire. Et nécessairement, étant donné que la planète est présentement habitée de troupeaux, d'animaux humains, on appelle ça la société. C'est sûr que l'homme va dire hey, « on n'est pas des animaux ». Alors, je comprends, tu n'es pas un animal. Bon, tu gueules comme les animaux, tu manges comme eux autres, tu défèques comme eux autres, tu as ton territoire comme eux autres, tu te bats, disons, pire qu'eux autres. Tu es capable de haine, l'animal n'est pas tout à fait capable, mais tu as le même système corporel, le même système endocrinien et tu es manipulable de la même façon. Prenez n'importe quel animal, placez-le dans un coin, s'il a ses peurs, il va devenir puissant. Placez n'importe quel humain, faites la même chose, allez voir. Allez écœurer un chien dans sa cour, puis allez écœurer un gars dans sa cour! Ils vont réagir de la même façon, il n'y a rien à faire. Le chien de Pavlov. Mais quand on sonnait la cloche, on lui donnait à manger. Fait que quand on sonnait la cloche, on lui donnait à manger. À un moment donné, bien, quand on sonnait la cloche, il salivait, il pensait qu'on lui donnait à manger. On lui donnait pas, on ramassait sa salive. Bien, l'humain, c'est la même chose. Son café, programmé. Cigarette, programmé. Tout programmé. Puis, si le chien, on sonne la cloche, on ne donne pas à manger, bien là, ça le frustre. Comme l'humain. L'initiation de l'animal humain, c'est l'initiation du corps physique de l'homme. Je ne dis pas que vous êtes des animaux. Je ne suis pas un animal, moi non plus. Par contre, nous sommes dans des corps animaux. Mettez une personne à quatre pattes tout nu, puis vous allez voir qu'elle n'est pas bien différente d'un paquet d'autres sortes d'animaux. Regardez le fœtus de l'enfant pendant qu'il se développe comparativement au fœtus des autres animaux, c'est pas mal similaire. Il y a autant de différences entre l'homme et le cheval, soit qu'entre le cheval et le poisson. C'est pas à cause qu'on est différent du cheval qu'on est différent tout court. L'aigle est différent du cheval aussi. Il est même plus différent du cheval qu'on l'est nous autres. Il y a une évolution lunaire qui ne s'adresse qu'au corps physique. Et le corps physique est ce qui peut supporter l'initiation solaire. Le corps physique est ce qui doit endurer. La première journée, vous vivez une émotion forte. Vous êtes dans l'armée. Voilà, des forces canadiennes. Alors, vous êtes donc dans une armée pour vous amuser. Bon. Alors, des forces canadiennes, eh bien, à un moment donné, il y a une petite grenade qui explose dans le champ comme ça, là, à 50 pieds de vous. Les projectiles secondaires vous passent au-dessus de la tête, ça arrache votre chapeau, mais c'est pas pire. Et là, la patate, elle y va. Le cœur se promène, puis là, vous rampez, puis là, vous maudissez les forces armées canadiennes. Ça, c'est bon. Ou encore, le con qui a mis la grenade là, puis qui l'a oublié, c'est pas vous autres. Mais après la 30e fois que ça pète dans le champ, ça vous dérange plus trop. Pourquoi? Parce que voilà, maintenant vous vous êtes adapté. Cette adaptation-là est une évolution. Le degré de contrainte que vous pouvez supporter a été haussé d'un cran. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez voulu. Même le chien se serait habitué. Les chevaux policiers, c'est la même chose. Quand on les dresse, bien, on les dresse à entendre des klaxons, pas que le cheval décolle sur le trottoir. On les dresse aussi à entendre des coups de feu, au cas que le policier reste à s'en servir. Pas que le cheval le mette à terre, c'est gênant. Bon. Mais l'homme, ça va être la même affaire. Il s'habitue. Cette habitude endurcit le corps physique. Pas nécessairement la conscience de l'homme. L'homme qui voit la mort ne finit pas par psychologiquement ou amiquement être habitué à la mort. Il ne pourra jamais. Mais physiquement, oui. Le corps ne réagit plus aux sécrétions hormonales engendrées par l'âme. Alors, lorsqu'il voit un mort, ça ne paraît pas. Le corps ne réagissant pas, il ne devient plus malade. Il est plus malade de voir cela. Et l'âme ne relisant plus le malaise, lentement, l'âme finit par ne pas savoir qu'elle n'aime pas ça. Mais elle n'a pas changé. Si le corps commence à sécréter, c'est-à-dire à réagir aux sécrétions hormonales, l'âme pourra le redécoder. L'individu qui vit une initiation en train d'être solarisante, une initiation lunaire de grand ordre, s'il a la faculté de ne pas se saouler la gueule, parce qu'en se saoulant la gueule, il amortit le corps réagit moins aux sécrétions hormonales, puis l'individu semble moins en souffrir. Sauf que ce n'est pas une évolution. C'est une oblitération. L'individu qui est capable de ne pas se droguer, qui est capable de ne pas prendre des pilules, l'individu qui a donc la faculté de devoir se mettre en ordre de marche, pour supporter les sécrétions hormonales entraînées par son âme. Celui qui va voir qui tremble, qui transpire, puis qui a un gros problème, puis qui se dit, c'est pas moi qui transpire. J'habite le corps avec quelque chose d'autre. Ce n'est pas moi. Celui-là est en train de se mettre au monde. Il vient, il naît. Il est en train de conscientiser la vie chez lui. Il sait maintenant qu'il n'est pas l'âme. Il sait qu'il n'est pas le corps, qu'il en a besoin. Et là, il commence une initiation solaire. L'initiation solaire, elle est différente de l'initiation lunaire en ceci que là, vous qui animez les corps physiques, devenez important. Dans l'initiation lunaire, le corps physique est muté. Dans l'initiation solaire, votre conscience vient s'installer. Dans l'initiation lunaire, les événements incontrôlables de la vie, l'humain n'a pas de libre arbitre, les événements incontrôlables de la vie muteront le corps. Dans l'initiation solaire, c'est l'événement de votre conscience qui va muter le corps. Au lieu de vivre une mutation hormonale, vous allez vivre une mutation énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'à partir de la naissance, à partir de cette initiation solaire, vous pouvez la commencer. Je répète que l'initiation solaire ne se fait pas nécessairement en dedans d'une demi-heure. Très rare, parce que sinon le corps physique explose, il saute, il brûle, il capote, la personne elle meurt, crise de cœur, crise de foie, problème neuronique, elle ne vit pas longtemps, paranoïe, la schizophrénie. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que, étant donné que vous avez la faculté consciente, vous comprenez l'intelligence de l'amélioration. C'est là l'important. Quand on regarde le monastère Shaolin, les individus n'étaient pas obèses. Quand on a un corps physique qui génétiquement nous a légué des cellules adipeuses qui stockent la graisse, on n'est pas obèse. On est génétiquement mal placé, mais on n'est pas obèse. Il y a une nuance. La personne qui peut suivre un régime, maigrir et le conserver, si elle engraisse, elle est obèse. C'est-à-dire que c'est son mode de vie qui la tue. La personne qui génétiquement a des cellules adipeuses qui stockent la graisse, c'est autre chose. Elle est mince dans un corps gros. Elle n'est pas obèse de la tête dans un corps obèse. Elle est mince. Elle est normale de la tête dans un corps gros. C'est autre chose. Nécessairement, elle a un petit handicap physique. Mais les individus du monastère Shaolin, c'était la même chose. L'individu qui est gros, mais pas dans la tête, c'est son corps physique, sa génétique. Je fais du judo, moi, avec des individus qui avaient une certaine grosseur. Ils étaient plus souples que les jeunes. Ah, ils étaient souples en maudit, puis il n'y avait pas de problème, parce qu'ils n'étaient pas gros. On a des karatékas qu'on voit des fois, grosse bedaine. Oh ouais, mais si tu veux qu'il gratte la tête avec ses pieds, il peut. Il n'est pas obèse. L'individu doit commencer par voir l'intelligence d'améliorer sa condition physique, son alimentation. Pas rentrer dans un culte du végétarisme. Non. Simplement manger ce que son corps a besoin. Lui, il a le goût de ça. Et quand il a le goût de ça, il a peut-être trop faim. Sa psychologie veut se nourrir. Il faut qu'il s'arrange. Il doit dormir convenablement. Il doit surtout travailler à se poser des questions clés, les questions que la tradition interdit, les questions que la tradition ne peut pas répondre. Il doit s'enligner pour se muter lui. Si l'humain arrive à pouvoir se muter lui-même, l'initiation lunaire tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une époque où tu te cassais la cheville aux 3 ans. Ouais, t'apprenais, tu sécrétais plein d'hormones, tu gueulais, tu chiolais. Ta femme qui était écœurée de devoir faire ça ou ton mari, bien, elle sécrétait elle aussi. Puis à l'hôpital, quand tu rentrais, bien, ils riaient tout, fait qu'ils sécrétaient les autres avec. Fait que t'étais un facteur d'évolution pour toute ta société. Quand tu te mutes toi-même, bien, maintenant, tu te casses plus la cheville. C'est plus nécessaire. Il n'y a plus de raison intelligente que tu te casses la cheville. Tu te mutes. Et lentement, bien, toutes les situations événementielles qui viennent vous renoncer les culottes à terre ou même les culottes levées, puis qui vous les baissent, tous ces événements-là qui ont une raison intelligente d'être, mutez votre corps physique tant que vous n'en avez pas le contrôle conscient, pas le contrôle philosophique, le contrôle mental, le contrôle même supramental, le contrôle vivant. Tous ces événements-là n'ont plus de raison d'être. Alors, nécessairement, l'humain change. Il y a une phase de transition qui dure quelques années dans la majorité des cas. Lorsque l'humain se met au monde, lorsque l'humain vit de l'initiation solaire, il vit d'une initiation intelligente et c'est lui qui accepte de se muter. Cela veut simplement dire que l'humain finit par accepter que l'évolution n'est pas un passe-temps ou encore un rembourrage émotif ou psycho-astral nécessaire dans une société où on vit comme ça. Tu as le choix entre venir au centre de l'universalité ou encore aller à la taverne. Tu te poses le temps, quoi. Quand l'humain finit par penser que tout le reste est secondaire, mais que son évolution est principale, il s'arrange pour changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un individu vous écœure, vous en prenez conscience. Pas qu'il vous écœure, que dans le corps physique est exprimé l'écœurement. Et là, vous allez constater que l'événement oblige l'âme à sécréter des hormones, votre corps physique en souffre, et parce que le corps physique en souffre, vous vous imaginez que vous en souffrez. Et là, lentement, il y a une séparation qui va se faire. Toi qui es encore assujetti à souffrir, souffre. Moi, je ne souffre pas. J'habite le même corps. Je détecte la souffrance. Je ne souffre pas. Parce que l'être humain qui se met au monde, celui qui entre dans l'initiation solaire, devient de l'esprit. C'est évident, vous allez le savoir, les gens vont vous reconnaître tout de suite. Ils vont vous traiter d'esprit. Mais ça, c'est pas grave. C'est temporaire. Et il y aura l'âme. L'âme qui est le véhicule, l'âme qui est l'animateur du véhicule, jusqu'à temps que le corps physique puisse être suffisamment capable de supporter de l'intelligence qui a du cœur si possible, et de l'intelligence qui a du cœur avec une force intentionnelle, ça va venir. Et pendant un laps de temps, première palier de l'initiation solaire, celle d'ailleurs que Jésus a vécue au contact du Christ, c'est pas à cause qu'il a vécu qu'on doit la vivre, ça n'a rien à voir. Mais je donne un exemple. Premier palier de l'initiation solaire, c'est être capable de supporter les deux habitants en même temps à l'intérieur de son corps physique. Alors lentement, toutes les misères, toute la souffrance, toutes les conneries qui nécessitent la sécrétion d'hormones de façon à muter le corps physique, de façon à amener une génétique qui, à travers la procréation des humanités, va engendrer une race capable de supporter l'intelligence. Toutes ces choses-là deviennent inutiles si maintenant vous avez la conscience de votre évolution et si vous avez la faculté vous-même d'accepter de ne plus être assujetti à toute réaction hormonale à l'intérieur de votre corps. Ça ne veut pas dire fuir ce qui vous fait sécréter. Ça veut dire observer que ça sécrète. Puis en l'observant, restez tout à fait lucide parce que là, vous serez vous vivant. À l'intérieur de ça, vous reconnaîtrez l'âme qui vit cette mutation-là, qui sécrète des hormones. Et lentement, à moyen terme, l'âme ne pourra plus sécréter. Vous serez vos seuls maîtres. On fait une pause, on pose des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, puis on revient dans une quinzaine de minutes. Pour les gens qui ont déjà commencé...